Chapitre 5e, un membre du Parlement pour West Lynne. On était au printemps. Les lilas étaient en fleurs. Les haies et les arbres se revêtaient de verdure. La nature entière, surchargée de salubres senteurs, parlait d'espérance. Carlyle était heureux. Son cœur tressaillait de bonheur comme la fleur qui vient de naître. Pourquoi ? Il avait reçu l'offre de représenter West Lynne au Parlement, si cette offre le comblait de joie, car depuis longtemps, il éprouvait le désir de se mêler aux affaires du pays. Or, par une belle soirée, Barbara, assise à la fenêtre du salon d'East Lynne, attendait avec impatience le retour de son mari. Dès qu'elle lui aperçut entrer, elle courut au-devant de lui. « Eh bien, que me voulez-vous » fit-il en plaisantant et en affectant une certaine hauteur. « Je veux que vous m'embrassiez, » minauda la jeune femme. « Mais si vous vous donnez ces grands airs, monsieur, je mettrai vos lèvres aux arrêts pendant toute une semaine. » « Vraiment ?» continua Carlyle en riant. « Il me semble que vous seriez la première à en souffrir. »« Qu'est-ce à dire, monsieur ? Ne serait-ce pas un châtiment pour vous ? Ne m'aimez-vous non plus ?»« Voici ma réponse, » fit l'avoué en attirant Barbara sur sa poitrine et en la comblant de baisers. Lady Isabelle, témoin de cette scène de tendresse et d'amour, fut subitement agitée par des frissonnements de jalousie, et pour ne pas éclater, elle dut quitter la chambre. « Barbara !» s'écria Carlyle, tandis que d'un bras il lui caressait la taille. « Barbara, aimeriez-vous passer quelques mois de l'année à Londres ? Je ne vous comprends pas. Vous ne songez pas aller vous établir à Londres, je suppose. J'y songe au contraire et très sérieusement. On m'en a fait la proposition cet après-midi. Quelle proposition ? Celle de devenir membre du Parlement, d'être à la Chambre le représentant de West Lynne. Oh, mon ami, que je suis heureuse, que je suis fière. Oui, vous méritez cet honneur, Archibald. Et je ne sais en vérité comment vous témoigner la joie que me fait éprouver cette bonne nouvelle. » Et en parlant ainsi, Barbara lui sautait au cou comme un enfant et l'embrassait avec ardeur. Et au plus fort de cet abandon plein d'affection, un violent coup de sonnette se fit entendre à la porte d'entrée. Qui pouvait venir à pareille heure ? Nul autre que Mademoiselle Carlyle, l'air majestueux et raide, les lèvres pincées et les yeux hors de la tête. Mais avant d'aller plus loin, il est bon d'avertir le lecteur que Mademoiselle Carlyle, qui avait passé une partie de l'après-midi assise à la fenêtre de sa propre maison, avait à plusieurs reprises remarqué, sans pouvoir s'en rendre compte, qu'une foule inusitée allait et venait dans la rue et que l'étude de son frère était littéralement envahie par des flots d'individus empressés et joyeux. Que se passait-il donc ? S'était naturellement demandé Mademoiselle Cornélie en aplatissant son nez contre l'une des vitres de la croisée. Bientôt elle avait reconnu son frère, suivie ou accompagnée de tous les juges de l'endroit. Mais elle avait eu beau frapper et tambouriner à la fenêtre, car là elle était trop occupée pour entendre, voire même pour songer à sa sœur. Enfin le vieux Dill, qui était sorti le dernier de l'étude, avait aperçu Mademoiselle Cornélie, et devinant qu'elle lui faisait signe de monter, il s'était empressé de se rendre auprès d'elle, et le dialogue suivant avait eu lieu. « Que signifie tout ce monde ? Que se passe-t-il, monsieur Dill ?»« Rien que de très simple, mademoiselle, c'est la députation. » « Quelle députation ? C'est le corps, la réunion des députés qui sont venus offrir à mon maître de devenir membre. »« Membre de quoi ? Membre de qui ?» interrompit vivement Mademoiselle Carlyle. « Mais membre du Parlement, mademoiselle, en remplacement de M. Attlay. » « Et j'espère que Archibald les ait conduits comme il le mérite. Il leur a promis une réponse décisive d'ici à demain matin. »« Comment ? » vociféra la cariâtre dame. « Vous n'allez pas me faire croire qu'ils songent à accepter. » « Et pourquoi pas, mademoiselle Cornélie ? C'est un beau privilège que d'être membre du Parlement. Je serais fier, pour ma part, de devoir siéger à la Chambre. Silence, vous ne savez pas ce que vous dites. »« Permettez, mademoiselle Cornélie, je sais que c'est là un grand honneur, un honneur dont il est digne sous tous les rapports. Cela l'élèvera, pour ainsi dire, au-dessus de nous tous, comme il mérite de l'être. »« S'il a besoin d'être élevé, » vociféra Cornélie, « qu'il se transforme en girouette, qu'il aille sur la toiture de sa maison. En voilà assez. » continua-t-elle avec rage. « Laissez-moi tranquille !» Ce disant, Mademoiselle Carlyle quitta brusquement la chambre, laissant le pauvre clerc tout ébobillé, tout quoi. Elle monta à la hâte l'escalier qui menait à son cabinet de toilette, se coiffa de son chapeau, prit le premier châle venu, et redescendant l'escalier 4 à 4, elle se rendit précipitamment à East Lynne, où nous venons de la voir arriver. « Où est Archibald ? » s'écria-t-elle dès qu'elle lui aperçut Barbara. « Il est ici. Qu'est-il survenu ?» Carlyle, qui avait entendu sa sœur, vint au-devant d'elle. « Que viens-je d'apprendre ? poursuivit Mademoiselle Cornélie. « On dit que vous songez à représenter Westline à la Chambre ?»« Oui, on m'en a fait l'offre. »« Mais asseyez-vous donc, Cornélie. »« Non, asseyez-vous vous-même, si bon vous semble. Moi, je préfère me tenir debout. Et je veux une réponse à ma question. Je veux savoir si vous avez refusé. »« Bien au contraire, j'ai l'intention d'accepter. » »« Avez-vous songé aux dépenses que vous aurez à encourir ?» continua Cornélie d'une voix sombre, tandis que d'une main fébrile, elle rejetait en arrière les brides de son chapeau. « Oui, j'ai tout calculé. Ces dépenses seront insignifiantes. Quelques centaines de livres, voilà tout. » fit-il avec bonne humeur. « Vous allez donc renoncer à votre profession ?» poursuivit-elle avec indignation. « Nullement, Cornélie. Dil sera la tête de l'étude et les affaires marcheront avec lui tout aussi bien qu'avec moi. » Mademoiselle Carlyle, au comble de la rage, se retourna vivement vers Barbara. « C'est vous, je suppose, qui l'avez entraîné à cela ?»« Non, » répliqua Barbara. Il avait pris une décision avant de me consulter. Toutefois, ajouta-t-elle, je l'ai fortement engagé à accepter. Ah, vraiment? Je vous en fais alors mon très sincère compliment, et j'en veux l'existence que vous allez mener ici toute seule. Mais je n'ai nulle intention de rester ici, fit Barbara en se réfugiant auprès de Carlyle. Il m'emmène avec lui. À cette révélation, Cornélie, raide et la bouche béante, promena sur son frère et sur Barbara des yeux courroucés. Alors c'est une affaire arrêtée, fit-elle avec effort. « Entièrement arrêtée, » répondit Carlyle en souriant. Mademoiselle Carlyle, sans ajouter un seul mot, ramena sous son menton les deux brides de son chapeau, les froissa entre ses mains tremblantes et réussit enfin à les réunir en un nœud d'une difformité remarquable. « Vous n'allez pas nous quitter ainsi ?» demanda l'avoué. « Il faut au moins dîner avec nous. »« Non, merci, je n'ai pas faim. Je suis parfaitement rassasié. » balbutia-t-elle en proie à la plus vive surexcitation, et s'efforçant en vain de remettre ses gants. « Dire que j'ai vécu pour voir le fils de mon père rougir de sa profession, et abandonner ainsi les affaires, son étude. Et pourquoi? Pour se transformer en un fainéant, pour mener la vie paresseuse et indolente d'un membre du Parlement? Voyons, Cornélie, » reprit l'avoué avec douceur, « dîne avec nous, et je parviendrai, je l'espère, à détruire tous vos préjugés à cet égard. Il est trop tard pour causer à présent. Votre parti est pris, le mien aussi, bonsoir. » Et en prononçant ces mots, elle s'échappa au plus vite et reprit le chemin de sa maison. 3 jours après, tous les journaux de la localité contenaient la profession de foi de Carlyle, et sur toutes les murailles de Westline se lisaient, en grandes lettres, ces mots: « Vive Carlyle, votons pour Carlyle !»